Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la loi française de 1905 sur la laïcité. Nous disons très clairement aujourd'hui qu'on ne peut pas, notamment par le vêtement, imposer aux autres, à ceux qui croient ou à ceux qui ne croient pas, ses appartenances. Et pour moi, la religion doit rester dans la sphère privée. Il y a une règle, c'est 1905, tout 1905, mais rien que 1905. Quand le député français de droite Éric Ciotti évoque, comme il vient de le faire, l'année 1905, c'est la loi sur la séparation de l'Église et de l'État, la fameuse loi sur la laïcité de 1905, qu'il a en tête. L'extrait qu'on vient d'entendre remonte à septembre 2016, mais il n'y a probablement pas une semaine où, soyons prudents, un mois qui passe en France sans que cette question de la laïcité et sans que cette loi de 1905 ne soit invoquée dans l'arène politique. Éric Ciotti est d'ailleurs l'un des parlementaires français qui parle le plus souvent de laïcité et de la loi de 1905, comme c'est aussi l'un de ceux dont les affirmations autour de cette loi sont le plus ardemment contestées. Ça nous en dit beaucoup sur l'état du débat en France. Mais dans quel contexte est née cette fameuse loi de 1905 et que dit-elle au juste? Dans ce pays où des millions de catholiques pratiquent leur religion, les uns par conviction réelle, d'autres par habitude, par tradition de famille, il était impossible d'envisager une séparation qu'ils ne pussent accepter. Sans perdre de vue un seul instant les principes essentiels de la réforme qui tous ont été respectés. La réforme que nous allons voter laissera le champ libre à l'activité républicaine. Et pour qu'il en fût ainsi, il fallait que la séparation ne donnât pas le signal de lutte confessionnelle. Il fallait que la loi se montra respectueuse de toutes les croyances et leur laissa la faculté de s'exprimer librement. Nous l'avons faite de telle sorte que l'Église ne puisse invoquer aucun prétexte pour s'insurger contre le nouvel état de choses. La loi de séparation des Églises et de l'État est adoptée à la Chambre des députés par 341 voix contre 233. Aristide Briand est ovationné. Son discours final est affiché dans les 36 000 communes de France. Extrait du téléfilm « La séparation » réalisé par François Hanss en 2005. C'est le comédien Pierre Arditi que vous entendiez dans le rôle de l'homme politique français Aristide Briand, l'un des pères de cette loi de 1905 sur la laïcité. Pour nous parler du contexte qui va mener à cette fameuse loi de 1905, mon invité Frédéric Bastien, professeur d'histoire au Collège Dawson de Montréal. Frédéric Bastien, bonjour. Bonjour. Quelle importance est là, cette loi de 1905, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle représente encore aujourd'hui en France, Frédéric Bastien? Moi, je pense que c'est une loi mythique, une loi fondamentale qui a vraiment, au fil du temps, malgré l'opposition qu'elle avait rencontrée à l'époque de son adoption, qui a fini par rallier une grande majorité de Français derrière cette idée que, justement, l'État et la religion doivent être complètement séparés, que la religion relève de la sphère privée. Et qui, aujourd'hui, avec la montée de l'idéologie multiculturaliste, dis-je bien, depuis quelques années, quelques décennies même, il y a une tension nouvelle et on invoque à nouveau cette loi de 1905 en France pour rappeler que, justement, il y a eu ce grand arbitrage qui a été fait il y a un peu plus d'un siècle qui dit que la religion doit être dans la sphère privée. Et évidemment, c'est pour résister à cette idéologie relativement nouvelle du multiculturalisme qui promeut une espèce d'esprit assez différent de la loi de 1905. Ça va se faire par étapes, cette grande marche de la France vers la laïcité, ce qui va conduire éventuellement à la loi de 1905, Frédéric Bastien. Et la première grande étape, le premier temps fort de cette marche vers la laïcité, c'est évidemment la Révolution française. Oui, absolument. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la France a été, bon, jusqu'à 1789, une monarchie de droit divin. Alors, au moment de la Révolution, on va devenir d'abord une monarchie constitutionnelle et ensuite une république. Et le clergé faisait partie des classes privilégiées, avec une toute petite minorité, avec la noblesse qui contrôlait une grande partie de la richesse. Et il y a un fort sentiment anticlérical qui vraiment est une des forces qui propulse la Révolution, si vous voulez. Et donc, il y a l'idée qu'il faut s'attaquer aux privilèges du clergé, etc. Et donc, ce sentiment anticlérical va mener d'abord à une reconnaissance de la de la tolérance religieuse, qu'on ne peut plus s'attaquer ou, disons, discriminer ou importuner les protestants, parce qu'il y avait la minorité principale, c'était les protestants, et il y avait une toute petite aussi minorité de juifs. Donc, la Révolution française établit, en principe du moins, la tolérance religieuse, mais après ça, avec ce qu'on va appeler la terreur, avec Robespierre, là, on va carrément pousser vers une politique de déchristianisation. Ouais. On va enlever carrément la religion catholique. On va faire une nouvelle religion. On va appeler ça le culte de l'être suprême. Notre-Dame de Paris va devenir le temple de la raison. Ouais. On va avoir un calendrier de 10 jours au lieu d'une semaine parce qu'on ne voulait plus que les gens sachent quel jour était dimanche. Alors, il y a tout. On va pousser ça extrêmement loin. On va effacer les références religieuses. Oui, c'est ça. Alors, ça va très, très loin. Et finalement, Robespierre finit sur la guillotine, là où il a envoyé tant de gens lui-même. Ouais. Et avec Napoléon, on va revenir à une attitude différente. Oui, parce que Napoléon, au fond, ça va passer par ce fameux concordat de 1801, mais va essayer de faire un peu retomber la poussière. Les têtes ont tombé. Les deux grands absolutistes, c'était la monarchie et le clergé, au fond. C'est ces têtes-là qui vont tomber durant la période révolutionnaire. Napoléon arrive en se disant, on va essayer de mettre un petit peu de stabilité dans tout ça. Ça va passer, donc, pour ce qui est de la paix religieuse par le concordat de 1801. On écoute comment va se faire ce passage, justement, jusqu'au concordat, dans cet autre extrait de la télésérie française, La Séparation. La Révolution française a rompu l'unité de l'État et de la religion. Le roi n'est plus le représentant de Dieu sur terre. Les biens du clergé sont confisqués, de nombreux prêtres sont exécutés. La France est ravagée par la guerre civile. C'est pour ramener la paix religieuse que Napoléon Bonaparte négocie avec le pape Pie VII. En 1801, il signe le Concordat. La religion catholique est officiellement reconnue comme celle de la majorité des Français. Les prêtres deviennent des fonctionnaires de l'État, chargés d'assurer le service public des cultes. Ils perçoivent un traitement, mais doivent jurer fidélité au régime. Les pasteurs protestants, les rabbins, seront logés à la même enseigne. Mais Napoléon ajoute d'autorité une série d'articles organiques qui réglementent jusqu'à l'habit des prêtres et leur interdit toute initiative sans la permission du gouvernement. Donc, quelle place retrouve l'Église catholique de France avec ce fameux concordat de 1801? On l'entend un petit peu, Frédéric Bastien, mais ça ne règle pas toutes les tensions. Mais qu'est-ce que réussit à faire Napoléon avec ce concordat? Alors, ce que va faire Napoléon et ce que va faire ensuite Louis XVIII, qui va succéder à Napoléon, c'est de rétablir un certain nombre de privilèges de la religion catholique, non pas de ce qui existait avant 1789, mais on va payer les membres du clergé, le gouvernement reconnaît les églises, non seulement l'Église catholique, évidemment, mais aussi les protestants reconnaissent le judaïsme, etc. Et donc, il y a toute une série de règles qui régissent, si vous voulez, les relations entre les églises, d'une part, et le gouvernement, d'autre part. Et à travers ça, l'idée de Napoléon, c'est que lui-même, qui ne croyait pas en Dieu, qui était un athée, il croyait en l'impact positif au niveau moral de la religion. Il pensait qu'il allait avoir une population plus obéissante. Évidemment, c'était un dictateur. Et par conséquent, pour lui, c'était très important de promouvoir la religion pour les bonnes mœurs, etc. Et donc, il croyait au rôle social de la religion. Il y voyait une utilité. Là. Oui, c'est ça. Et le pape va le sacrer empereur. Ça lui donne une légitimité à travers tout ça. Donc, il était très heureux de cette situation. Donc, une certaine détente, mais il reste que, même avec ce concordat de 1801, la France va se retrouver divisée en deux grands camps. Et puis, pour un petit bout de temps, là, jusqu'à la Troisième République, dans les années 1870, la France s'est divisée en deux sur la question de la place que doit occuper la religion et l'Église. On a beaucoup parlé du combat des deux Frances, c'est un peu l'expression consacrée. Comment décrire cette période du fameux combat des deux Frances, Frédéric Bastien? Oui, alors c'est un peu comme si le compromis qui a été mis en place par Napoléon et un peu complété par Louis XVIII ne satisfaisait pas ni un camp ni l'autre. Alors, d'un côté, il y a les cléricaux qui voient la France comme la fille aînée de l'Église, qui trouvent que la religion catholique n'a pas assez de privilèges, devrait avoir être plus reconnue. Ils pensent que ce que dit la religion, c'est la vérité, le pape est infaillible et que donc la place de la religion, c'est sacré, etc. Ils trouvent que le compromis fait par Napoléon et ensuite par les autres qui lui ont succédé n'est pas satisfaisant. Et de l'autre, il y a les anticléricaux qui, eux, sont monarchistes. Les anticléricaux sont républicains et les partisans de la religion sont monarchistes, voilà. Et donc, les anticléricaux pensent que la France est la patrie des droits de l'homme, c'est l'héritière de la Révolution, qu'on ne peut pas imposer une morale à une population sans violer sa liberté de conscience, que l'Église a trop d'influence. On s'approche de plus en plus du suffrage universel. Il va y avoir de plus en plus d'élections qui vont... le suffrage universel masculin, de plus en plus d'hommes vont pouvoir voter. Donc, ça prend des citoyens éclairés. Ouais. Comment avoir des citoyens éclairés si l'Église, par exemple, à l'époque, contrôle l'éducation? Ça, c'est un des gros, gros nœuds d'opposition. Qui contrôle les écoles? L'Église contrôle aussi les services sociaux, les hôpitaux. Et donc, les anticléricaux, eux veulent, n'est-ce pas, abattre cette influence de l'Église dans ces sphères-là. Ouais. Donc, tension entre ces deux clans et arrive cette fameuse Troisième République qui est vraiment un point tournant dans cette histoire de laïcité. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Frédéric Bastien? Bien, il se passe qu'il y a eu une Deuxième République qui a été sabordée, si je puis dire, par Napoléon III, donc le neveu de Napoléon Ier. Et là, les républicains ont l'impression qu'ils s'en sont fait passer une vite. Et en 1871, suite à la guerre franco-prussienne, Napoléon abdique, Napoléon est chassé du pouvoir, Napoléon III. Mmh. Et là, c'est la Troisième République. Et là, les républicains sont dans un esprit revanchard. Là, ils se disent « Voilà, enfin... » On va en finir. Là, c'est notre moment. On a le contrôle. Et le régime est profondément anticlérical. Il est porté par des hommes comme, justement, on va voir Aristide Briand qui va émerger, d'autres. Et il y a l'idée que là, c'est le moment de liquider l'influence de l'Église en France. Ouais, puisqu'on s'est départi enfin aussi, il faut le dire, parce que ça se fait toujours conjointement ou parallèlement. C'est la vraie fin de toute trace de régime ancien, de monarchie. Là, ça tombe avec la Troisième République. C'est fini. La France républicaine, vraiment, commence à ce moment-là. Le premier grand coup de cette laïcité républicaine, c'est touche évidemment l'école. Vous en parliez, c'est important, c'est au cœur du débat. L'école publique et obligatoire laïque de Jules Ferry. C'est sur les bancs de l'école de la Troisième République que la laïcité, proclamée par la Révolution de 1789, prend toute sa dimension. Riches et pauvres sont égaux, chacun selon son mérite. En 1881, le ministre de l'Instruction publique, Jules Ferry, fait voter l'école gratuite, obligatoire et laïque. On décroche les crucifix, les religieux sont expulsés des établissements scolaires, ils verront d'un mauvais œil et pendant longtemps les instituteurs laïques. Pour eux, c'était l'école sans Dieu et sans morale. Sans Dieu, bien sûr, parce qu'il n'y avait plus les Christ dans l'école, il n'y avait plus la prière, il n'y avait plus tout ça. Mais sans morale, il n'y avait pas la morale, leur morale à eux, mais il y avait la nôtre, la morale laïque. C'est la tolérance, l'esprit de laïcité. C'est véritablement la tolérance. Et l'école laïque est l'école accueillante à tous. Extrait d'un reportage de Nicolas Lemarinier diffusé au journal télévisé de France 2 en janvier 2015. Que va changer concrètement, Frédéric, cette école obligatoire et laïque de Jules Ferry? Oui, en fait, c'est que donc il y a l'idée de l'école obligatoire qui fait son chemin dans tous les pays occidentaux à l'époque, incluant d'ailleurs pour les filles. Et l'idée des républicains, c'est de dire si tout le monde va à l'école, tout le monde est obligé d'aller à l'école et que l'école est contrôlée par le clergé catholique, ça viole la liberté de conscience des élèves, des parents. On ne peut pas les forcer à aller à l'école et en même temps, ils reçoivent un enseignement religieux, c'est incompatible. Donc, il y a un esprit là très français, très cartésien, mm-hmm. très républicain. Et par conséquent, il faut sortir l'Église, le clergé des écoles pour qu'il n'y ait plus justement de religion à l'école. Alors, ça va être assez difficile à faire, mais on va trouver certains compromis. On va donner des journées dans la semaine où il n'y aura pas d'école. Mm-hmm. Et là, on va pouvoir faire, en dehors des heures d'école, un enseignement religieux pour ceux qui le veulent. On va quand même faire des... Il va y avoir des compromis qui vont être faits, n'est-ce pas, parce qu'il y a quand même une partie de la population de la France qui est très attachée à l'école religieuse. Mais donc, c'est l'idée, justement, qu'on ne violera pas les libertés de conscience. Oui. Donc, école publique, vraiment, où il n'y a plus de religion ni de religieux qui enseignent, par exemple, dans ces écoles. L'autre grand coup de la laïcité républicaine, c'est évidemment cette fameuse loi, on y revient, la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État. Dans quel contexte, d'abord, est adoptée cette loi-là? Vous le disiez au tout début de l'émission, c'est à l'origine, on a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais c'est une idée portée par les socialistes, par la gauche. Absolument. Le projet laïque est porté par la gauche au départ contre l'Église catholique et contre les conservateurs. Ça, c'est très, très clair. Et ce qui se passe, c'est que donc les ordres religieux sont chassés du système d'éducation en France. Le pape est très mécontent. Et en 1904, le pape rompt les relations diplomatiques avec la France. Donc, on était toujours dans le régime du concordat, c'est-à-dire que les prêtres étaient payés et les ministres protestants, les rabbins étaient payés par le gouvernement. Et là, boum, le concordat est répudié par le pape. Et là, il faut faire quelque chose parce que là, on est comme dans une espèce de vide juridique, en quelque sorte. Et là, les républicains, la gauche, se dit, voilà, c'est le moment de vraiment imposer la séparation de l'Église et de l'État. Et c'est là que va arriver la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette fameuse loi? Bien, elle fait un certain nombre de choses qu'on pourrait dire essentiellement trois choses. D'abord, c'est terminer le salaire des religieux, donc ce qu'on versait aux prêtres, aux rabbins, etc. Donc, tout ça est complètement éliminé. Le gouvernement prend possession de tous les biens religieux, n'est-ce pas? Et ensuite, le gouvernement va reconnaître non plus des églises, mais des associations culturelles. Donc, il y a des associations culturelles dont les églises seront un type d'association et on va leur prêter ou leur louer les édifices religieux et ils pourront pratiquer le culte. Mais on ne les reconnaît plus comme églises. Mm-hmm. On ne reconnaît pas l'utilité sociale de la religion. On ne reconnaît pas ni évidemment le fait religieux comme tel ou est-ce que c'est la vérité ou pas. Tout ça ne concerne pas le gouvernement. Le gouvernement, l'État ne reconnaît que des associations culturelles. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisièmement, et ça, c'est très important, l'exercice du culte est protégé. Tout le monde peut pratiquer une religion à travers ses associations culturelles, à travers ses églises qui seront prêtées à ces associations culturelles, dont l'État même quand même va payer certains frais d'entretien. Mais aussi, l'État, à travers cette loi sur la séparation, protège ceux qui ne veulent pas être religieux. Mmh. C'est ça aussi l'esprit de la laïcité. C'est qu'aucune religion va pouvoir imposer ses rites à ceux qui sont dans cette religion ou à ceux qui n'y sont pas. C'est la neutralité de l'État par rapport aux religions, quelles qu'elles soient. Oui, et on protège les gens qui ne sont pas croyants. Ouais. C'est ça un des points fondamentaux de cette loi. Comment ça va être reçu, cette loi-là? Ça va être reçu, je pense que bien reçu dans l'ensemble, mais il y a quand même une forte résistance. Entre autres choses, la loi prévoyait qu'on allait faire des inventaires de tous les biens de l'Église et que tous les biens qui n'étaient pas jugés utiles à l'exercice de la religion allaient être confisqués. Alors là, il y a des inspecteurs qui se rendent dans des églises, dans des archevêchés. Et là, il y a des endroits où il y a des résistances armées. Il va y avoir deux morts. Alors, il y a dans les régions religieuses de la France, comme la Vendée, dans l'ouest de la France, un peu aussi dans le Massif central, il y a des populations qui sont vraiment très, très outrées de ça. Mais finalement, peu à peu, ça va être accepté. Oui. Évidemment, tout au cours du 20e siècle, la laïcité va graduellement, parce que la France change, va se transformer. Ça va devenir vraiment un marqueur identitaire en France. Comment ça va se faire? De quelle manière, en fait, et dans quel contexte fait cette transformation de ce que représente la loi de 1905? Bien, au fil des générations, tout le débat entre les deux Frances va s'estomper. Par exemple, en 1946, dans la Constitution de la 4e République, la laïcité apparaît comme étant reconnue comme un des principes constitutionnels en France. Donc là, vraiment, il n'y a pas d'opposition qui se fait. Et donc, ça devient un peu... c'est un peu comme la loi 101 chez nous. Il y a eu beaucoup d'opposition à cette loi quand elle a été adoptée, mais finalement, elle a fini par faire, peut-être pas l'unanimité, mais rallier une grande majorité. Donc, c'est un peu ça qui arrive en France. Et évidemment, le débat va ressurgir à nouveau vers la fin du 20e siècle avec toute la question de la montée de l'islam, la question de la religiosité des musulmans qui va vraiment entrer en conflit avec le fait que les Français sont devenus pas anti-religion, mais ne pratiquent plus la religion, la sécularisation des sociétés occidentales et dans le cas de la France, plus particulièrement la laïcité. Et ça va donner une première crise en 1989, la France qui va être frappée par ce qu'on va appeler l'affaire du foulard islamique, qui va déboucher quelques années plus tard, au début des années 2000, sur la loi sur l'interdiction du port ostensible de signes religieux à l'école. J'estime que le port de tenue ou de signes qui manifeste ostensiblement l'appartenance religieuse doit être proscrit dans les écoles, les collèges et les lycées publics. Les signes discrets, par exemple une croix, une étoile de David ou une main de Fatima, resteront naturellement possibles. En revanche, le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de manifestement de dimension excessive, n'ont pas leur place dans les enceintes des écoles publiques. Tous les enfants de France, quelle que soit leur histoire, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur croyance, sont les filles et les fils de la République. Ils doivent être reconnus comme tels, dans le droit, mais surtout dans les faits. Le président français Jacques Chirac, le 17 décembre 2003, qu'est-ce que ça nous dit, cette affaire du foulard et la loi qui va suivre en 2004, Frédéric Bastien, sur ce que devient la laïcité à la française et la loi de 1905, finalement? Oui, bien là, on sort de la loi de 1905, mais c'est que le sentiment de méfiance des Français face à la religion, qui était au départ tournée contre l'Église catholique, s'est transporté vers la question de la montée de l'islam à travers, évidemment, les populations immigrées en France, le fait que ces populations-là ont une pratique religieuse bien plus grande, bien plus importante que les populations françaises ou même les populations occidentales en général. Et là, donc, à nouveau, cette question de la laïcité revient donc sur le devant de la scène, justement, à travers la question du voile à l'école. Donc, la religion, qui était à l'époque la religion catholique qui dérangeait en 1905, la religion qui est maintenant la religion, entre guillemets, des autres, dérange à nouveau la France aujourd'hui. C'est un peu ça. Bien, oui, évidemment, la montée de l'islam radical entre en jeu là-dedans, mais c'est l'idée que l'école doit être en dehors des tensions du monde. C'est que l'école, c'est un lieu d'apprentissage où on se concentre sur apprendre. C'est pas un endroit où on fait la promotion d'idées politiques, d'idées religieuses. On se concentre sur le savoir, la connaissance, etc. Et par conséquent, on va pas là pour afficher de façon ostentatoire sa religion, essayer de faire des convertis ou on fait pas de la propagande politique à l'école. À tout le moins, c'est ça l'idée, je crois, derrière cette loi-là de Jacques Chirac. Frédéric Bastien, professeur d'histoire au Collège Dawson, merci. Merci beaucoup. Merci également à la réalisatrice de cette émission, Marie Caillé, à la recherche Caroline Morin et Marie Caillé, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Michel Saint-Pierre. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.